les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Tournois, batailles, joutes, croisades. À la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, les distractions violentes ne manquent pas. Raconter cette période en compagnie de Georges Duby, c'est l'éclairer, en l'occurrence, les grands affrontements entre les Capétiens, Louis VII, Philippe Auguste, et les Plantagenets, Henri II, Richard Cœur de Lion, Jean Santerre. C'est passer de la France à l'Angleterre, et les rois d'Angleterre se veulent aussi, comme l'on sait, rois de France. Une série d'émissions diffusées au début des années 80 et proposées par Jean Montalbetti s'intéressait aux inconnus de l'histoire. En deux volets, on faisait à leur connaissance avec un homme qui n'était pas de haut lignage, un cadet, donc voué à l'aventure, un homme de fidélité, l'image même du chevalier, une figure exemplaire de la société féodale de l'Europe du Nord. Première diffusion sur France Culture de ce premier volet, le 16 avril 1982. Disconosciuti nella storia. La storia dos desconhecidos. Unbekannte der Geschichte. L'omano, schirare zaro. The unknowns of history. Les inconnus de l'histoire. Enquête sur un chevalier du Moyen-Âge au service des Plantagenets. Guillaume le Maréchal, champion de tournoi, par Jean Montalbetti. Médiateur, Georges Duby. Consultant, Alain Erland Brandenburg. Dans le rôle de Guillaume le Maréchal, François Mest. Réalisation, Christine Berlamont. Finet la vie del comte maréchal qui attend se monte quand au lieu où ayet oi dei et ramé et es joy. Tuit s'il qui en cesse pour vire, qui cesse d'estory faire fire, il deve estre amanteu. Ici se termine l'histoire du comte maréchal. Qui en tout lieu où elle sera entendue devra être écoutée avec amour et joie. Il convient maintenant de mentionner tous ceux qui ont pris part à ce livre, pour qu'on sache en entendant lire qui fut celui qui en a fourni la matière, qui l'a fait faire, qui en a fait les frais. D'abord sera nommé le bon fils du maréchal, le comte Guillaume, renommé par ses belles actions. De bon arbre vient bon fruit. Quand on lui conseilla de faire écrire l'histoire de son père, il n'eut point de cesse qu'elle fût faite. On le voit bien maintenant, et on le verra plus encore. Celui qui a fourni la matière jusqu'à complet achèvement, Dieu en soit loué, fit bien voir qu'il aimait son Seigneur. C'est Jean d'Herlay qui y a mis son cœur, sa pensée, son argent, et on en voit maintenant le résultat. Bon amour se prouve en tout bien fait. Certes, ce n'est pas mensonge, car Jean, qui a fait et composé ce livre, en a bien donné la preuve. Et que Dieu, qui donne aux bons la récompense de leurs bonnes actions, veuille bien accorder la joie du paradis à ceux qui ont pris part à cette œuvre. Georges Duby a abordé une période comme celle de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, c'est d'abord peut-être poser le problème des sources. Quelles sont les sources qui sont disponibles pour le médiéviste qui étudie un personnage de cette époque ? Bien, vous savez, il y a quantité de sources et il y en a de plus en plus d'ailleurs à mesure que le XIIe siècle s'avance. Comme vous le savez, c'est un moment de progrès extrêmement vif, progrès matériel, mais aussi progrès culturel. Donc, nous voyons des silhouettes de plus en plus précises, celles qui nous sont montrées par les œuvres sculptées et peintes, des images. Mais ce ne sont pas les images qui sont les plus parlantes. Il y a des documents qui se multiplient à cette époque, dont beaucoup sont perdus, bien sûr, mais il en reste quand même quelques-uns de ceux-là, qui sont des récits familiaux. Dans les grandes familles aristocratiques, on célébrait volontiers le souvenir des ancêtres, des fondateurs du lignage, et on avait l'habitude, semble-t-il, à l'image de ce qui se faisait dans les grandes cours princières, de composer des poèmes ou des textes en prose à la gloire des fondateurs de la dynastie. Au temps du roi Étienne, qui tint avec peine l'Angleterre et mollement la Normandie, jusqu'au jour où il la perdit par sa folie, vivait un chevalier preux et loyal, appelé Sire Jean le Maréchal. Entreprenant, actif, généreux, il avait rallié autour de lui nombre de braves gens. Il n'était ni comte, ni riche baron, mais telle était sa largesse que tout le monde s'en émerveillait. Même ceux qui ne l'aimaient point et à qui il inspirait de la jalousie étaient forcés de dire du bien de lui. Il fut sénéchal d'Angleterre. Mais, en son temps, il y eut grande guerre entre l'impératrice et le roi. Finalement, Étienne eut le dessous, car le bon maréchal se rangea du côté de l'héritière légitime, l'impératrice Mathilde. Pour elle, il prit part à maintes batailles et souffrit maintes peines avant qu'un accord intervînt. Le franc chevalier eut à sa solde une troupe de 300 chevaliers, en hommes qui savaient attirer à lui et retenir les vaillants. Il avait épousé une femme de haut parage, belle et bonne, agréable, bien élevée. Ils vécurent heureux ensemble pendant de longues années et eurent deux fils. Ces récits familiaux ne sont pas des chansons de geste. Ah non, la chanson de geste, c'est autre chose. C'est une littérature d'évasion, de fiction, de divertissement. Évidemment, ceux qui entendaient ces œuvres interprétées, parce que à cette époque-là, rappelons-nous bien que la lecture individuelle est encore tout à fait exceptionnelle. Ces œuvres sont écrites, bien sûr, mais elles sont écrites pour être chantées, c'est-à-dire pour être interprétées par des spécialistes, dites souvent sur accompagnement musical, dans des cérémonies. N'est-ce pas ? Elles sont vraiment mises en scène, n'est-ce pas ? Et la chanson de geste raconte les actions de personnages héroïques, mais que l'on croit réels, bien sûr, mais qui se situent dans un passé très lointain. Et on chante aussi, mais dans le privé, dans les maisons aristocratiques, tel ou tel personnage. Ces œuvres, à la fin du XIIe siècle, sont pour cela presque toutes, lorsqu'elles ne sont pas écrites en latin, ce sont des œuvres en vers, n'est-ce pas, pour que l'attention d'un public qui écoute, soit soutenu par le rythme. Dans la période qui nous intéresse, au début du XIIIe siècle, par exemple, est-ce qu'on peut comparer ces récits familiaux à la geste de Philippe Auguste qui est écrite un petit peu antérieurement par Guillaume Le Breton. Oui, on peut les comparer parce que... Mais là, nous sommes dans un tout autre contexte. Il s'agit de célébrer un monarque qui est sans doute le plus puissant de son temps. Et cette célébration officielle, elle a lieu non pas dans une cour à l'intérieur d'une maison privée, mais elle a lieu dans un monastère, à Saint-Denis, qui est le conservatoire de la dignité royale, et en même temps la nécropole des souverains. Donc c'est une histoire très officielle. C'est très officiel, mais justement ce qui est comparable, si vous voulez, c'est que les textes familiaux privés, ces biographies d'ancêtres à peine disparues, je pense, moi, qu'elles étaient aussi très liées à la sépulture, comme ce qui a été écrit par Guillaume Le Breton à la gloire de Philippe Auguste et qui s'est incorporé aux chroniques de Saint-Denis. Mais je pense aussi que ces chansons ou ces textes étaient mis en scène cérémoniellement dans certaines circonstances, peut-être à l'anniversaire de la mort du défunt, mais enfin toujours en relation avec un rituel funéraire. Monsieur Erland Brandenburg, dans cette basilique de Saint-Denis, on voit de nombreux groupes scolaires qui viennent probablement avec leurs professeurs d'histoire évoquer les rois de France ici. Nous sommes au niveau du transept. Comment d'abord sont disposés les tombeaux ? Alors, au milieu du XIIIe siècle, exactement 1262-1263, Saint-Louis, qui avait décidé de faire reconstruire l'ancienne abbatiale déjà reconstruite par Suger, avait ménagé à la croisée du transept un espace très vaste, une sorte de carré qui s'emboîtait d'ailleurs dans un autre carré et enfin dans un troisième carré, faisant une sorte de lieu sacré pour y placer les tombeaux de ses ancêtres et des trois races. L'idée donc de Saint-Louis était de faire en sorte de manifester au public de l'époque, du milieu du XIIIe siècle, cette réconciliation des trois rois, mérovingiens, carolingiens et capétiens, pour que le visiteur, le fidèle, puisse comprendre qu'il y avait entre les trois une sorte de permanence. Cette permanence, d'ailleurs, avait été établie par des mariages. Et aux yeux de Saint-Louis, il n'y avait en fait plus qu'une seule race, puisqu'en plus, il pensait descendre de celle de David, et ça évoque évidemment la question fondamentale dans l'histoire de la monarchie française du sacre, puisque le roi était Ouin, et on avait imaginé, alors que ce n'est pas vrai, que les Mérovingiens avaient été sacrés et couronnés. Et le premier Mérovingien que nous avons ici, Clovis II, qui n'a jamais été en fait couronné, porte cependant la couronne, comme porteront la couronne ses successeurs. Et les Capétiens qui sont, eux, sacrés à Reims. Qui seront sacrés à Reims, évidemment, depuis la fin du Xe siècle. Comme ça a été le cas, bien entendu, pour Philippe Auguste, alors qu'il n'avait que 15 ans. Qu'il n'avait que 15 ans et qui était un des plus jeunes rois de France, et d'ailleurs un des règnes les plus longs, puisqu'un peu plus de 40 ans, ce qui est quand même assez important. Et pourtant, son père, Louis VII, a également régné lui aussi très longtemps. Lui, oui, à peu près la même durée de règne. Oui, à peu près. Hein. Oui. Alors, nous n'avons pas de chance parce que les tombeaux de ces Capétiens, c'est-à-dire de Louis VII, de Philippe Auguste, puis de son fils Louis VIII et de son petit-fils Saint-Louis, ne sont plus à Saint-Denis. En effet, Louis VII n'a pas été enterré à Saint-Denis. C'est le second d'ailleurs à ne pas avoir obéi à une règle qui s'était pratiquement imposée. Il avait choisi une abbaye cistercienne, Barbeau, qui est en Seine-et-Marne, près de Fontainebleau. Et les religieux d'ailleurs ont réagi très violemment à cette affaire. Philippe Ier, déjà, qui est mort en 108, s'était fait enterrer, lui, à Saint-Benoît-sur-Loire. Et c'était en fait une remise en cause de ce que les religieux de Saint-Denis considéraient véritablement comme un droit, et ils emploient justement ce mot de droit, de jus, dans un texte de l'abbé Suger, disant que pour véritablement que le roi de France soit roi de France, il fallait deux choses, qu'il soit évidemment couronné et sacré à Reims, mais aussi qu'il soit enterré à Saint-Denis. Et donc Louis VII n'a pas été enterré à Saint-Denis. Quant à Philippe Auguste, Louis VIII et Saint-Louis, ils ont été inhumés à un endroit très particulier, qui va d'ailleurs définir finalement l'avenir de la basilique de Saint-Denis comme nécropole du roi de France, derrière un hôtel que l'on appelait l'hôtel de la Trinité, autour de laquelle l'on célébrait la messe matutinale, la messe du matin. Et ces trois tombes étaient très riches. Elles ont été, si l'on en croit les textes de l'époque, à la fois d'or, d'argent et d'émaux. L'or, c'est peut-être un peu exagéré, mais sûrement de l'argent et de l'émail, si bien que ça, elles ont attiré la convoitise assez rapidement, et au cours de la guerre de Cent Ans, on en accuse les Anglais, elles ont été volées. Mais les trois tombes ont existé jusqu'à la Révolution, elles n'ont livré cependant que très peu de choses. Et c'est autour de ces trois tombes, et au-devant et les encadrant, que Saint-Louis a installé ce cimetière au roi qui réunissait les autres tombeaux. Dans cette abbaye de Saint-Denis, les moines occupent un véritable rôle d'historiographe de cette dynastie. Il y a eu notamment, dans les années qui nous intéressent, c'est-à-dire à peu près entre 1185 et 1204, une histoire des rois francs qui a été écrite par les moines de Saint-Denis. Et ensuite, il y a eu la geste de Philippe Auguste qui retrace tous ces combats. En effet, cette liaison entre la monarchie et Saint-Denis, qui est une liaison qui s'explique pour beaucoup de raisons. D'abord par le fait que les rois de France, les mérovingiens, se sont fait enterrer à Saint-Denis, c'est-à-dire tout près de Paris. Nous sommes en effet tout près de Paris, à que quelques kilomètres. Et ce lien a été fortifié à certaines époques par les religieux, allant même jusqu'à faire croire que le roi de France était vassal de Saint-Denis. C'est allé très loin et il y a eu des réactions d'ailleurs assez manifestes de la monarchie contre ses prétentions. Et au milieu du XIIe siècle, il y a un personnage qui va jouer un très grand rôle et qui est l'abbé Suger. L'abbé Suger est donc abbé de Saint-Denis, a été contemporain et a fait ses études avec le futur Louis VII, et a joué un rôle tout à fait particulier dans l'histoire de France, puisqu'à deux occasions, au moment des croisades, c'est lui qui a été régent de France. Et ces liens, qui étaient déjà plus ou moins manifestes dans la première moitié du XIIe siècle, vont se resserrer encore. Et Suger a écrit une vie du roi Louis VII, une monographie, comme on en faisait encore une fois dans l'Antiquité, relatant les hauts faits du roi. Et il a commencé également une historiographie de Louis VII qui est, elle, inachevée, puisque Suger est mort avant. Ceci va faire en sorte que, petit à petit, c'est l'abbaye de Saint-Denis qui va être chargée de rédiger les annales royales. L'histoire officielle. L'histoire officielle. L'affaire ne se met pas en place immédiatement, et c'est véritablement au XIIIe siècle, une fois de plus, qu'avec les grandes chroniques, que nous verrons les religieux récupérer toutes les autres chroniques qui avaient été rédigées en France, les fusionner en un volume qu'on appelle les Grandes Chroniques de France, qui sont d'ailleurs publiées, et qui vont relater en français la geste des rois de France. Et à l'époque de Philippe Auguste, nous assistons également à la mise en place de la biographie, à la suite de ce qui s'était fait déjà avec l'abbé Suger, et toujours sous l'influence de l'Antiquité, on a deux textes très importants, l'un de Rigord et l'autre de la Philippide, qui nous racontent les fêtes de Philippe Auguste. Alors ceci n'est pas encore complètement lié avec Saint-Denis, mais dès la génération suivante, c'est fait. Ce sont les religieux de Saint-Denis qui sont chargés officiellement de rédiger l'histoire de la monarchie. Il est évident qu'ils avaient accès aux archives royales, ce qui leur permettait de donner des faits historiques et non pas légendaires, comme l'étaient souvent notamment les chroniques du Xe et XIe siècle. Et puis alors il y aura tout le travail fait par Guillaume le Breton qui va reprendre justement les chroniques de Rigord et les poursuivre et raconter notamment la bataille de Bouvines. Qui raconte la bataille de Bouvines et Guillaume le Breton, qui a d'ailleurs, l'histoire de Guillaume le Breton est tout à fait passionnante, il est breton comme son nom l'indique évidemment, et qui a eu des périodes d'amitié, d'affection pour Philippe Auguste et d'autres, au contraire, plus lointaines. Il y a plusieurs rédactions de son ouvrage, mais il faut bien le dire que nous avons, grâce à Guillaume Le Breton, une des chroniques, plus sérieuse d'ailleurs, encore plus forte que celle de Rigord, sur l'histoire de Philippe Auguste. (1144-1219), ce sont les dates entre lesquelles s'inscrit la vie du personnage méconnu que vous avez choisi d'évoquer, Guillaume le Maréchal. Alors d'abord, avez-vous fait ce choix parce que Guillaume le Maréchal vous semble une figure exemplaire de la société féodale d'Europe du Nord au début du XIIIe siècle? Oui, c'est exactement pour cela que je l'ai choisi. Pour cela et aussi, d'abord, parce que nous sommes informés par lui, par l'un de ses textes. Par une chanson, un poème qui est écrit en langue française de l'époque, un poème qui a été achevé en 1226, c'est-à-dire 7 ans après la mort du personnage, mais dont la préparation avait commencé aussitôt après la mort de celui-ci. C'est l'œuvre d'un écrivain professionnel, d'un homme à qui l'on avait passé commande dans la famille, qui connaissait très bien son métier, qui est de grande qualité, qui est capable d'écrire des milliers de vers, mais qui sont de bonne tenue. Et dont on ne connaît pas d'autres œuvres. On ne sait pas quel est l'auteur, il est anonyme. Cette œuvre a été commandée par le fils de Guillaume, qui venait de mourir, le fils aîné, et qui portait d'ailleurs son nom, Guillaume lui aussi, et ce nom le destinait à succéder à son père. Il avait pris à la mort de son père la tête de la famille, et c'est en cette qualité d'aîné et de successeur que il commande cette œuvre. C'était son devoir, c'est pas la piété filiale l'engageait à élever une sorte de monument à la mémoire de celui qui avait fait la fortune de la maison. Mais ça n'est pas le poète qui a vraiment recueilli le souvenir, n'est-ce pas? Et ça n'est pas non plus le fils aîné qui l'a dicté. En fait, l'œuvre est construite essentiellement sur Jean Dieurley, qui était l'ami, qui était le familier, qui était le compagnon, qui avait été toute sa vie le compagnon du mort, du défunt, et son écuyer. C'est pas celui qui l'accompagnait, qui portait ses armes. Et il était auprès de lui depuis 30 ans. Il est resté 30 ans auprès de lui, et c'est lui qui a fourni la matière de l'ouvrage. Le maréchal demanda son écu que Jean Derlé lui apporta et entra dans la ville de Montmirail assiégée. Mais ceux du parti opposé étaient partis et s'étaient retirés dans le château. 10 d'entre eux à pied et un à cheval s'étaient arrêtés de front sur le pont qui était en pente raide à la montée et à la descente. Le fossé, taillé dans le roc, était profond de 10 toises. Celui qui y serait tombé une fois n'y serait pas tombé une seconde. Le maréchal n'y fit point attention. Il se lança au galop sur la montée du pont. Ceux qui le défendaient l'attendirent de pied ferme et, présentant leurs épieux, en frappèrent le cheval au poitrail. Le cheval tourna sur place et redescendit la pente sans plus de dommages. Les hommes du maréchal qui étaient dans la rue en eurent grande joie, car si le cheval avait dévié de 2 doigts, il serait tombé de toute la hauteur dans le fossé. Hugues de Hardincourt et Baudouin de Béthune coururent à lui encore tout émus et le blâmèrent de sa témérité. « Vous ne savez pas, leur dit-il, pourquoi j'ai agi ainsi. » Parmi eux se trouvait un chevalier monté, et si j'avais pu le saisir par le frein, je l'aurais emmené avec moi bon gré mal gré, car à la descente du pont, il n'aurait pu revenir en arrière. « Eh bien, reprit Baudouin, je suis bien sûr qu'Étienne de Marsay, le sénéchal d'Anjou, ne se serait pas risqué de la sorte pour si peu. »« Non, certes, fit Hugues de Hardincourt, pas même pour le fief d'Angers. » Plusieurs s'avancèrent jusqu'à la tête du pont, mais ils trouvèrent de la résistance. Des hommes et des chevaux furent blessés, mais Dieu merci, le maréchal n'eut rien. La nuit, ils couchèrent à Châteaudun. Jean d'Herlay était alors écuyer du maréchal. Il découvrit le cheval et vit les blessures faites par les épieux. On compta jusqu'à 7 plaies, mais c'étaient des blessures légères. Ils revinrent auprès du roi Henri, qui les félicita de leur chevauchée. Guillaume le maréchal, d'abord s'agit-il d'un patronyme, d'une fonction ? Et quelle était l'origine sociale de ce personnage ? Est-ce que c'est un patronyme ? C'est difficile de répondre avec précision. Parce que, à l'époque dont je parle, les hommes portaient un seul vrai nom, n'est-ce pas, qui correspond à ce qui est devenu notre nom de baptême. Mais ils arboraient un surnom qui était très souvent le nom de la maison où ils étaient nés et dont ils avaient la direction, mais qui évoquait autre chose, et notamment une charge. Et c'est le cas ici. Guillaume s'appelle le maréchal parce que, à la fin de sa vie, il était devenu maréchal d'Angleterre. C'est pas, je le dis tout de suite, cet homme est un Anglais. L'œuvre qui nous est conservée est écrite en langue française parce que, au début du XIIIe siècle, la langue de l'aristocratie anglaise était encore le français, puisque cette aristocratie était composée par les descendants des Normands qui avaient conquis l'Angleterre en 1066 et de tous les nobles français qui avaient été attirés par les rois anglais depuis lors. Et cette œuvre méconnue appartient à la littérature française, mais le héros est un Anglais et elle a été écrite en Angleterre. Donc il était maréchal d'Angleterre. Le maréchal, dans les grandes maisons aristocratiques, c'est un chef de service. C'est l'auxiliaire de ce chef de service supérieur qu'on appelle le connétable. Le connétable a la charge de la cavalerie. Et il est aidé par les subalternes, qui sont les maréchaux. Et vous savez que ce mot-là est resté dans la langue française courante. On parlait encore, il n'y a pas très longtemps, de maréchaux ferrants. Le maréchal ferrant, c'est celui qui s'occupe des chevaux, mais qui, sous la direction du connétable, les entretient. Et ses offices, dans les très grandes seigneuries, auprès des rois, sont devenus des offices de gouvernement, naturellement, parce que, au sortir de la féodalité, les souverains ont choisi leurs auxiliaires politiques dans leur domesticité, dans leur haute domesticité, parmi les grands officiers. Autour du roi de France, il y avait le chambrier qui s'occupait de la chambre au départ, et puis à qui on a confié tout ce qui concernait l'argent. Il y avait le sénéchal qui était celui qui, à l'origine, portait les plats sur la table du roi, mais qui était devenu, au fond, une sorte de premier ministre. Il y avait le bouteiller qui s'occupait de la cave, mais à qui on avait confié la surveillance d'une grande partie du domaine royal. Et puis il y avait le connétable et ses maréchaux. Et en Angleterre, c'était exactement la même chose. Donc Guillaume, lui, avait cette fonction. Et c'est cette fonction qui lui a permis de faire une carrière étonnante. Mais voyez-vous, ce qui m'intéresse chez lui, c'est que grâce à cette chanson, nous voyons en ce personnage le type même de ce qu'est l'idéal chevaleresque de cette époque. Il incarne toutes les vertus de la chevalerie. La chanson relate une carrière ébouriffante, n'est-ce pas, une exceptionnelle réussite sociale, mais elle fait justement apparaître, parce que c'est une œuvre quand même de célébration, elle fait apparaître à la fois la réalité et l'idéal typique de l'existence du chevalier au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Je voulais que vous situiez un petit peu l'importance de ce personnage au départ par son origine sociale, parce que on n'a pas affaire tout de même avec Guillaume le Maréchal à un personnage de très haut lignage. Et la charge qui a été confiée, je crois, pour la première fois au grand-père de Guillaume le Maréchal n'est pas tout de même une des charges les plus importantes autour de la personne royale. Non, ça n'est pas une des charges les plus importantes. Mais enfin, c'est une charge qui n'est pas non plus négligeable. N'est-ce pas ? C'est en effet le grand-père paternel de Guillaume qui l'avait reçu 60 ans avant, à peu près, de la part du roi d'Angleterre, Henri Ier, qui était aussi duc de Normandie, n'est-ce pas ? Et ce grand-père s'appelait Gilbert, et la charge à sa mort avait été reprise par l'un de ses fils qui s'appelait Jean, Jean-fils Gilbert, comme on disait, et Guillaume, ensuite, en a hérité, mais tard, parce que c'est par hasard qu'il est devenu maréchal, parce qu'il n'était pas l'aîné. Et c'est l'un de ses frères qui a hérité du père, et parce que son frère est mort avant lui, Guillaume, par hasard, est devenu à son tour maréchal d'Angleterre. Est-ce que c'était toujours le frère aîné qui héritait systématiquement des charges et des titres ? Oh, écoutez, ça dépendait, pour une part, du patron, c'est-à-dire du chef de maison. Mais à l'époque où nous sommes, l'habitude est bien prise que les offices domestiques, les offices de cour, se transmettent de père en fils et par règle de primogéniture, c'est-à-dire que c'est le plus âgé qui, normalement, hérite. Et l'un des aspects qui m'intéresse d'ailleurs dans la vie de Guillaume le Maréchal, c'est que il n'était pas un aîné. Nous sommes en face de ces cadettes familles qui sont vouées par conséquent à l'aventure et qui constituent vraiment, dans l'horizon social de l'époque, des types extrêmement intéressants. Entendez-moi, Sire Raoul. Nous ne pouvons assez nous étonner de la renommée de Guillaume le Maréchal, qui se donne pour si preux et si vaillant qu'il s'est placé au-dessus de tous les chevaliers de l'hôtel du roi. Il n'y a séant comte ni baron qui puisse se mettre à côté de lui, ni que le roi consente à écouter. Nous sommes tous humiliés de voir un Anglais s'élever au-dessus de nous. En France, en Normandie et partout, il n'est question que de lui. Et savez-vous d'où vient tout ce fracas ? Simplement de ce que Henri le Norroi, dès que le roi éperonne, se met à crier « Ça, Dieu aide au maréchal !» Chacun se serre autour de lui, et il y a une telle presse que personne ne peut étendre la main, tandis que lui, pour prendre chevaux et chevaliers, il lui suffit d'ouvrir les mains et de saisir ceux qui sont devant lui. Dès que Henri crie, personne ne fait plus attention au roi. Voilà d'où vient sa chevalerie. Voilà comment il gagne l'argent avec lequel il se fait tant de bons amis, tandis que nous sommes mis arrière. Georges Duby, est-ce qu'on pourrait essayer de brosser un peu un portrait de Guillaume le Maréchal ? Si nous lisons l'histoire de Guillaume le Maréchal, on a un petit peu l'impression que c'est l'image même du saint, de l'homme parfait. Alors, est-ce parce qu'il s'agit d'une hagiographie ? Oui, c'est une littérature d'éloge, n'est-ce pas ? Il ne faut pas se méprendre, il s'agit d'un panégyrique. On souligne ce qui doit être admiré chez cet homme qui vient de disparaître. C'est un monument qu'on dresse en son honneur. C'est aussi faux que ces statues de maréchaux qu'on voit au coin des places publiques, n'est-ce pas ? Ils ont tous l'air virils, martiaux, etc., même quand ils ont été battus. Et c'est une œuvre qui répond au besoin de vénérer un personnage, donc qui met en évidence les qualités dont il pouvait être fier, dont ses héritiers pouvaient être fiers, mais qui passent évidemment sur tous ses défauts. Alors, par exemple, il y a un aspect physique et un aspect moral. Un aspect physique, il nous est présenté comme étant un homme d'une très grande stature et d'une force physique étonnante. Oui, et là, je pense que il n'y a pas de menterie, si vous voulez. Je pense que j'évoquais tout à l'heure la verdeur de ce vieillard, n'est-ce pas, qui est capable justement d'entraîner des troupes. Imaginons ce que c'est. Ça, la guerre à cette époque-là, elle n'était pas en dentelle. Il fallait vraiment donner de soi. Et dans Lincoln, le maréchal a effectivement combattu avec un équipement considérable. Il avait, je sais pas, une trentaine de kilos de ferraille sur le dos, n'est-ce pas ? Et ça suppose que à cette époque, il était encore extrêmement robuste. Tout ce qui nous est raconté de ses exploits physiques, aussi bien dans les tournois que dans la guerre, dans les tournois et dans la guerre, sa figure, c'est celle d'un champion de football américain à peu près. N'est-ce pas ? C'est un gaillard qui est capable de renverser ses adversaires d'un coup de poing, qui est extrêmement dur à la douleur, à la souffrance. Il y a un passage de la chanson où on le montre au soir d'un tournoi. Il a été cabossé, bien sûr. Il avait cet équipement qui lui permettait de résister à tous les horions, mais qui était justement une armure. Imaginons pas l'armure de Jeanne d'Arc, c'était pas encore cette espèce de carapace complète qui entourait toutes les parties du corps, mais il avait au moins ce qu'on appelle un haubert, c'est-à-dire une chemise de maille, de fer, et il avait sur la tête un casque, n'est-ce pas, un home, l'un de ces casques qui recouvrait à peu près tout le visage. Et il s'était battu toute la journée, comme un lion. Et on va le chercher un jour, on le cherche dans sa tente, un soir, n'est-ce pas, le soir de ce tournoi, et on ne le trouve pas, on finit par le découvrir, il est la tête sur une enclume, et il y a le forgeron qui est en train de taper sur son casque pour essayer de le ressortir, parce qu'il a reçu des coups tellement puissants que c'est coincé, il a la tête prise dedans. Donc, voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut se représenter les gens de cette époque. C'était les gens qui avaient de l'efficacité politique. C'était avant tout des gens d'une très grande robustesse physique. L'autre aspect de son portrait, c'est le portrait moral. Et alors, il y a une constante dans la vie de Guillaume le Maréchal telle qu'elle est décrite. C'est la fidélité. Et la fidélité, disons, à la monarchie des Plantagenets. Oui, je dirais plus exactement la fidélité à la maison royale. Parce que c'est dans l'entourage du roi d'Angleterre qu'il a vécu à partir d'un certain moment. Et je dirais mieux que dans l'entourage, je dirais dans la maison, dans la ménie, comme on disait à l'époque, pour prendre un terme de français médiéval qui a disparu. M-E-S-N-I-E. M-E-S-N-I-E, c'est une sorte de famille. Il était de la famille, finalement. Et c'est plus qu'au roi, c'est au chef de cette famille qu'il a été dévoué. Et c'est cela qui l'a amené, justement, à risquer sa vie. Alors, ce qui est curieux, c'est que son attitude d'extraordinaire fidélité à une famille royale, et surtout au chef de cette famille royale, n'a pas l'air tellement courante. On a l'impression que les barons, successivement, passent dans un camp et dans l'autre. Je veux parler à la fois, si on considère la famille royale d'Angleterre, parfois soutiennent un frère contre le roi, ou bien passe dans le camp également du roi de France. Or, il y a une constante tout à fait extraordinaire chez Guillaume le Maréchal, c'est que d'abord il sert Henri II, il est né en 1144 alors que c'était encore le règne d'Étienne de Blois, le petit-fils de Guillaume le Conquérant, mais ensuite, à partir de 1154, Guillaume avait 10 ans à l'époque, ce sera donc le règne d'Henri II Plantagenet, puis il va être au service du jeune roi Henri, le fils aîné d'Henri II Plantagenet. Et même lorsque celui-ci se révolte contre le père, on a l'impression que Guillaume le Maréchal n'accepte de le servir qu'avec l'accord du vieux roi. Et ensuite, successivement, il va être extraordinairement fidèle à Richard Ier, Richard Cœur de Lion, puis à son frère Jean Santerre, alors qu'il a été opposé à lui auparavant, à partir du moment où Jean Santerre devient roi. Alors, ces fidélités successives au chef de la famille royale, est-ce que c'est une attitude tout à fait exemplaire et presque unique à l'époque? Ou bien est-ce une invention, d'une certaine façon, du poète qui a écrit cette chanson? Non, je pense que, vous savez, ça n'est pas une invention, c'est certainement vrai, de la part de Guillaume le Maréchal, et ça n'est pas si exceptionnel, parce que je reviens sur cette position quasi filiale qui était la sienne à l'intérieur de ce groupe domestique de la maison royale. Je pense que, pour bien comprendre ça, il faut un peu suivre les premiers pas de cette carrière. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Guillaume le Maréchal était un cadet, n'est-ce pas ? C'était le second fils de Jean-Fils Gilbert. Jean-Fils Gilbert s'était marié deux fois. D'un premier mariage, il avait eu deux garçons, mais qui, heureusement pour Guillaume le Maréchal, étaient morts. On mourait beaucoup dans cette catégorie sociale. Les adolescents se tuaient souvent dans des aventures sportives. C'était vraiment les hécatombes de jeunes dans les exercices militaires dont nous reparlerons. Son père avait répudié sa première femme pour en épouser une autre qui avait des avantages économiques bien meilleurs. C'était la fille d'un comte, le comte de Salisbury. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui a lancé la famille, plus que la charge. La charge, comme vous le disiez avec raison, c'est une charge secondaire dans la maison royale, mais être dans la maison royale, c'est aussi être très bien placé pour faire des mariages extraordinaires. Parce que l'un des devoirs du chef de famille, du chef de maison, à l'égard de ceux qui le servent, c'est de leur donner des femmes qui soient de qualité et qui leur permettent, si vous voulez, de quitter le service et de s'installer bien, n'est-ce pas ? C'est une façon de rétribuer le service domestique. La meilleure façon, c'est de marier les gens. Et son patron lui proposant une femme qui était plus avantageuse que la sienne, et il a renvoyé la première, il a pris la seconde. Mais de cette seconde femme, il a eu plusieurs enfants, notamment quatre fils, et Guillaume était le second. Ça veut dire que, d'une part, il avait beaucoup moins d'intérêt que son aîné pour son père. Et ça, on le voit très bien lorsque cette chanson commence par raconter l'enfance de Guillaume le Maréchal. Il y a un épisode très tragique, mais très significatif aussi. Lorsque son père, en lutte contre Étienne de Blois, assiégé par Étienne de Blois dans son château, entend le roi, Étienne, lui dire « J'ai ton fils Guillaume en otage, si tu ne te rends pas, ça a assez duré, il y a assez longtemps qu'on fait le siège, si tu ne te rends pas, on va l'amener, puis je le tue dans tes yeux. » Et le père de Guillaume dit « Moi, ça m'est égal, parce que j'ai le marteau et les enclumes pour en forger de nouveau d'autres qui seront encore plus beaux que celui-là. » C'est très significatif, n'est-ce pas, des mœurs de ce temps-là. Il faut imaginer que c'était quand même d'une très grande brutalité. Oui, quelques années plus tard, Guillaume donnera à Jean Santerre deux de ses fils en otage aussi, oui. De la même façon, au fond. Oui, oui, oui, les jeunes garçons servaient volontiers d'otages, seulement on aventurait moins l'aîné. Les jeunes, ceux qui venaient après, ma foi, en fait, Guillaume ne fut pas tué, sans ça nous n'en parlerions pas. Il avait 6 ou 7 ans, à peu près, à l'époque. Mais il est resté prisonnier très longtemps. Et ce qui est important, c'est qu'il n'est jamais retourné dans la maison de son père. Jamais. Jamais. C'était en effet une pratique à cette époque. C'est que l'éducation des garçons, lorsqu'ils avaient atteint l'âge de raison, se faisait dans une autre maison et il y avait rupture. Qui est très important sur le plan psychologique, parce que Guillaume le Maréchal n'a jamais eu de rapport affectif avec son père, jamais. En peu de temps, Guillaume grandit. Il était si bien formé que si on l'avait sculpté, il n'aurait pas eu de plus beaux membres. Je le vis, et il m'en souvient bien. Il avait la chevelure brune et beau visage. Sa prestance était celle qui aurait convenu à un empereur de Rome. Il avait l'enfourchure large et était d'aussi belle stature qu'un gentilhomme peut être. Celui qui le fit était un artiste. Tandis que Guillaume faisait sa croissance, le roi Étienne mourut, et on couronna le roi Henri, qui était preux et courtois et avait déjà femme et enfants. Jean le maréchal résolut d'envoyer Guillaume à Tancarville au chambellan, son cousin Germain. Il fit préparer l'équipage de Guillaume comme il convient de faire pour un gentilhomme qui va chercher fortune à l'étranger. Guillaume se mit en route, ne menant avec lui pour tout de suite qu'un valet et un garçon. Le monde n'était pas alors aussi orgueilleux que de nos jours. Un fils de roi chevauchait sa chape troussée sans plus d'équipage. Présentement, il n'y a guère écuyer qui ne veuille avoir une bête de somme. Je ne veux pas m'arrêter à faire l'histoire des années pendant lesquelles Guillaume fut écuyer. On dit qu'il resta bien 8 ans entiers dans cette position. On trouvait qu'il ne faisait que boire, manger et dormir. De quoi nous sert ici ce Guillaume garde-viande ? Se demandait-on l'un à l'autre. Le chambellan le savait bien, et ses paroles ne lui plaisaient guère. Il les écoutait en souriant et disait, après un instant de silence, « Il saura bien tirer fève de peau. C'est mon neveu et mon ami. Vous ne savez pas qui je nourris là. » Il était d'ailleurs plein de bonté pour lui, ce qui excitait la jalousie des autres. Lui, toutefois, se taisait. Il était si doué des bonheurs qu'il ne faisait pas semblant d'entendre le mal qu'on disait de lui. En ce temps, le roi Henri fut en guerre avec le roi de France, Louis. Ce fut une guerre cruelle. On fortifia les marches. De Bonmoulin à Arc, il n'y eut château qui ne fût bien garni. Le chambellan était à Drincourt où il tint une riche cour. Là fut fait chevalier Guillaume le maréchal. Le chambellan lui ceignit l'épée dont par la suite il donna main coup. Dieu lui accorda telle grâce que, dans toutes les affaires auxquelles il prit part, il se distingua par ses exploits. Il a été placé pour faire ses apprentissages de chevalier dans la maison d'un cousin, le sire de Tancarville, vous voyez, c'est cette aristocratie anglo-normande, le sire de Tancarville, qui était le chambrier du roi d'Angleterre. Il occupait une autre fonction. C'est là qu'il a fait ses apprentissages et ensuite il s'est attaché à son oncle maternel, le comte de Salisbury, parce que c'était la coutume, n'est-ce pas, la relation affective des adolescents, elle allait volontiers vers le frère de leur mère. C'était lui qui, au fond... Qui jouait un peu le rôle de père. Le rôle de père, c'est pas le père de prédilection. Et c'est comme ça qu'il a commencé d'ailleurs à guerroyer. C'était dans l'équipe de son oncle. Et il l'aimait profondément. Il a risqué sa vie à un certain moment pour le sauver. Mais ce que je veux dire, voyez-vous, c'est qu'au départ, si Guillaume est fidèle, il est fidèle à ceux... dans la maison desquelles il vit. C'est Guillaume de Tancarville, ensuite c'est Jean de Salisbury, et il y a un certain moment où il entre au service de Henri II. Mais Henri II choisit ce gaillard parce qu'il a une excellente réputation. Il est resté, pendant la plus grande partie de sa maturité, dans une situation d'aventurier. Il a couru les tournois et il a acquis une réputation de champion. C'était il avait un succès énorme. Et en raison de sa valeur et de sa valeur sportive, Henri II l'a retenu, comme on disait, c'est-à-dire qu'il l'a engagé. Et il lui a confié son fils aîné, Henri, qui devait lui succéder comme roi d'Angleterre, et Guillaume est devenu l'entraîneur d'Henri. J'emploie volontairement du vocabulaire sportif. Il fallait qu'il forme le jeune Henri, Henri le jeune, à ses qualités de chevalier. Alors, Guillaume est d'abord, comme vous le rappelez, écuyer confié aux soins du chambellan de Normandie, Guillaume de Tancarville. Et il va être adoubé chevalier probablement autour de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire vers 1164-1166. Oui. Et ensuite, il va, à partir de ces dates, justement commencer cette carrière sportive dont vous parlez, qui est plus que cela aussi, c'est-à-dire les innombrables tournois auxquels il va prendre part et dans lesquels il va s'illustrer et qui constituent une bonne partie de la chanson de Guillaume le Maréchal. Le tournoi, à la fin du XIIe siècle, dans le dernier tiers du XIIe siècle, connaît en Occident une vogue extraordinaire. N'est-ce pas ? C'est vraiment la distraction majeure. Et c'est une telle, un tel engouement pour le tournoi que l'Église s'en inquiète et que les conciles, les grands conciles du XIIe siècle, ont essayé d'interdire le tournoi. C'était le moment où il fallait mener la guerre sainte contre les infidèles et l'Église pensait que... c'était dommage que les chevaliers chrétiens perdent leur temps à s'amuser, à se combattre les uns les autres, à risquer gros, parce que beaucoup mouraient dans les tournois. Et on interdit le tournoi. On n'a jamais pu arriver à l'interdire. Et le tournoi... Il a été pendant un certain temps aussi interdit en Angleterre. Ben, c'est-à-dire que, en fait... Justement, si Guillaume de Maréchal a tournoyé, n'est-ce pas, ça n'est pas en Angleterre, c'est en France. Parce que, d'ailleurs, c'est son patron, Guillaume de Tancarville, qui lui dit, à la fin de ses enfances, de ses adolescences, lorsqu'il est adoubé, il lui dit, va sur le continent, n'est-ce pas, passe la Manche, parce que c'est là-bas que tu trouveras les occasions de t'illustrer. C'est là qu'ont lieu ces matchs, n'est-ce pas ? Il n'y en a pas en Angleterre. C'est une affaire française. Et je dis bien française parce que, au sens où, de ce qu'on entendait par là à cette époque, c'est-à-dire la France du Nord. Les régions de tournois, c'est l'Île-de-France, c'est la Normandie, surtout les pays de la Loire, Île-de-France, pays de la Loire... et puis Picardie, Hainaut, enfin, vous voyez, toute la région du bassin parisien. C'est le paradis du tournoi. Un tournoi eut lieu à Joigny. Le jeune roi ne s'y rendit point, mais le maréchal y alla. Une fois arrivés, les chevaliers s'armèrent et se rendirent dans un lieu voisin de la ville où ils mirent pied à terre en attendant leurs adversaires. La comtesse, accompagnée de dames et de demoiselles, vint les y rejoindre. On se mit à danser au son d'une chanson que chanta le maréchal. Lorsqu'il eut fini, un jeune ménestrel, nouvellement fait héros d'armes, se mit à chanter une chanson nouvelle dont le refrain était « Maréchal, donnez-moi un bon cheval ». À ce moment, les plus pressés des chevaliers du parti opposé commençaient à arriver. Sans dire un mot à personne, le maréchal sortit de la ronde, monta à cheval et s'étant dirigé vers eux, il désarçonna le premier qu'il rencontra et donna son cheval au petit héros. Celui-ci revint à la danse en disant à tous « Voyez quel cheval ! C'est le maréchal qui me l'a donné. » Plusieurs s'en émerveillèrent qu'il croyait encore dans la ronde. Tous chevaliers et dames dirent que c'était le plus bel exploit qu'on eût jamais vu dans un tournoi. Les chevaliers remirent le haume et lassèrent l'avantail lorsqu'ils virent leurs adversaires s'avancer en ligne. Ils combattirent en rang serré et eurent l'avantage. Le maréchal eut le prix du tournoi et il eut aussi sa part du gain. Mais il la distribua largement aux croisés et aux prisonniers, et tint pour quitte plusieurs des chevaliers qu'il avait pris, ce qui fut hautement apprécié. Le maréchal revint auprès de son seigneur, le jeune roi. Celui-ci n'avait pas son pareil pour les prouesses et pour la libéralité. Artus ni Alexandre ne firent pas autant de bien en si peu de temps. Si Dieu avait permis qu'il vécût, il les eût dépassés en prouesse et en valeur. Il avait su grouper autour de lui tant de vaillants chevaliers que ni empereur, ni roi, ni comte n'en eut autant. Il eut le choix entre les jeunes hommes de France, de Flandre, de Champagne. Il ne marchandait pas avec eux, mais il savait si bien faire qu'il devenait sien. Dans les tournois, il chargeait si puissamment avec sa troupe que ceux de l'autre part, fussent-ils supérieurs en nombre, étaient bientôt mis en désordre. Il arrivait souvent que les hommes du premier rang avaient tout balayé devant eux, de sorte que le roi n'avait plus où faire rire. Il allait alors se jeter dans quelques troupes étrangères, dont il avait grand-peine à se dépêtrer. Mais le maréchal était toujours là pour le tirer d'affaire au moment où on allait le faire prisonnier. C'est par de tels services qu'il s'était rendu cher au roi. Les tournois se succèdent du début de l'année à la fin, avec une seule interruption qui est au moment du carême, parce que là, quand même, on respecte l'interdiction de l'Église. Et comme on se prive de viande, on se prive de cet autre plaisir qui est de se battre. Donc, ça s'arrête un petit peu entre le Mardi Gras et Pâques, et puis ça reprend aussitôt, et ça s'arrête même pas l'hiver. Enfin, il y a encore des tournois dans la mauvaise saison. Et c'est une suite de rencontres qui sont prévues à l'avance, qui ont lieu dans des grands espaces à proximité des villes, mais en terrain accidenté. N'imaginons pas ce qu'est devenu le tournoi au XVe siècle, avec un champ clos, des lys. Non, là, c'est tout terrain, si je puis dire. C'est-à-dire que les équipes, parce que c'est aussi un sport d'équipe. Parler de football américain, parce que c'est ça, ça n'est pas du tout la joute. Le combat singulier entre deux adversaires qui s'affrontent, c'est pas un simple de tennis, c'est vraiment une partie où des équipes s'affrontent, des équipes très nombreuses, deux ou trois, d'ailleurs il y a quelques fois ça joue à trois, ça peut jouer à trois ou à quatre. Et ce sont des équipes qui sont de 40, 50, 100 chevaliers, plus les servants, parce que chaque chevalier est accompagné de trois ou quatre personnages qui portent ses armes ou qui le défendent, n'est-ce pas ? Il y a des fantassins aussi qui sont des auxiliaires méprisés. Mais ce sont de grandes troupes qui, sur un terrain large, extrêmement large, pleine campagne, profitant de tous les accidents de terrain, des bois, des cours d'eau, s'affrontent comme à la guerre. Et quel est l'objectif ? Ça consiste essentiellement à désarçonner l'adversaire, et une fois qu'il est à terre, on prend le cheval et on l'emporte, ou plutôt on le confie à ses auxiliaires qui sont à côté pour qu'il l'emmène au loin. Mais il n'y a pas que les chevaux que l'on prend, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi les hommes que l'on fait prisonnier. C'est ça, mais c'est plus difficile, mais ce qu'on cherche à prendre, c'est à faire prisonnier l'adversaire. Alors, quelle signification cela a de faire des prisonniers, alors que, en principe, il s'agit d'un jeu et non pas d'une guerre réelle ? Oui, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas se tuer, et on n'y parvient pas toujours, hein, parce qu'il y a toujours des morts dans un tournoi. Et par accident, ou pas par accident, parce que quand on se trouve nez à nez avec un de ses ennemis personnels qui est dans l'autre équipe, on en profite, bien sûr. Mais en principe, on ne tue pas. Il s'agit d'un jeu, d'abord d'un jeu qui est pédagogique, c'est aussi un exercice, n'est-ce pas, le tournoi, c'est que ça entretient, ça permet de se tenir en forme pour les vrais combats. Mais c'est un jeu d'argent, c'est beaucoup plus intéressant, c'est comme le poker, vous savez, quand on joue avec des haricots, ça n'a pas d'intérêt, mais quand on joue avec de l'argent, ça en prend, et là, c'est une question d'argent. Et parce que le soir du combat, les tournois durent quelquefois plusieurs jours, mais enfin, à la nuit tombante, on s'arrête, et alors à ce moment-là, s'organise une véritable foire. parce que les vainqueurs et les vaincus se retrouvent dans un campement. Et à ce moment-là, ceux qui ont pris des choses monnayent. C'est-à-dire qu'ils revendent les chevaux. Il y a des bandes de maquignons qui sont là, qui rachètent. Et puis, on revend les prisonniers aussi, c'est-à-dire qu'on les libère contre une rançon. Et c'est ainsi qu'on fait fortune. Et quand on est champion de tournoi, comme Guillaume le Maréchal, eh bien, on peut s'enrichir à travers toutes ces compétitions. Ah oui, ça, c'est ce qui s'est passé. C'est comme cela qu'il a fait fortune ? Il a fait fortune comme cela, et d'une manière très, très rationnelle, je dirais, parce qu'il est monté progressivement. À un certain moment, d'ailleurs, il s'est associé, il a formé une association, c'est une compagnie, pour un but très précis, qui était l'efficacité. Il s'est associé à un autre champion, un flamand, et ils ont constitué une sorte d'équipe très structurée, à l'intérieur de laquelle il y avait en particulier un clerc, un homme d'église, un type qui savait compter, n'est-ce pas, pour justement tenir les comptes. Et on s'aperçoit que dans une seule saison, ils avaient capturé 150 chevaux, je ne sais combien de barons, n'est-ce pas, et que ça avait rapporté des sommes folles. Une carrière de champion de tournoi commencée vers l'âge de 20 ans s'arrêtait au bout de combien d'années ? Ça dépend, mais pour Guillaume le Maréchal, ça a duré longtemps, parce que généralement ça s'arrêtait quand on cessait d'être, comme on disait alors, un jeune. N'est-ce pas ? Le mot « jeune » avait une signification technique très précise. Ça désigne un adulte, c'est-à-dire un homme qui est en pleine capacité fonctionnelle. C'est un chevalier, il a été adoubé, il a reçu ses armes, mais il n'est pas marié. Donc il est disponible pour l'aventure. Et dans cette société, d'ailleurs, on mariait généralement uniquement le fils aîné, qui était le successeur désigné, et ses frères, eux, ne se mariaient pas, ou s'ils arrivaient à se marier, c'était par leur propre initiative. Et Guillaume le Maréchal est resté jeune très longtemps. On lui avait offert des femmes, notamment au soir des tournois, n'est-ce pas ? Justement pour le récompenser. Certains lui disaient, mais écoute, je te donne ma fille, tu continueras, si tu veux, à honorer ma maison par ta prouesse. Mais il a refusé très longtemps, et il est resté donc tournoyant comme ça jusqu'à dans la quarantaine. Un grand nombre de comtes et de barons se rallièrent au jeune roi, dont ils étaient les hommes liges. Henri II, cependant, chevaucha avec une armée nombreuse contre son fils et vint à Tours. Là, il apprit qui étaient ceux qui avaient pris le parti de son fils. De Bayonne à Chinon, il n'y avait autre homme qui ne fût du nombre. Le roi en fut très irrité et demanda où était son fils. On lui répondit qu'il était vers la frontière d'Anjou, soit à Vendôme, soit à Trohaut. Lorsque le jeune roi apprit que son père venait pour le surprendre et qu'il allait l'assiéger, il prit conseil de ses hommes. Les lâches conseillèrent la fuite. Les prud'hommes furent d'un avis contraire. Ils remontrèrent qu'il serait honteux de battre en retraite sans s'être défendu. Tous se tinrent à ce conseil. On invita ensuite le jeune roi à se faire armer chevalier. Il y consentit, disant qu'il choisirait pour lui ceindre l'épée le meilleur chevalier qui onque fût. Lorsque l'épée lui eut été apportée, il la présenta au maréchal, lui disant « Beau sire, je veux recevoir cet honneur de Dieu et de vous ». Le maréchal lui saignit l'épée de grand cœur et le baisa, priant Dieu de le maintenir en grande prouesse et en honneur, comme il fit en effet. Seigneur, tel fut le grand honneur que Dieu fit en ce jour au maréchal. En présence de comtes, de barons, de chevaliers portant les plus hauts noms, il saignit l'épée au roi d'Angleterre. Et pourtant il ne possédait pas un sillon de terre ni rien autre que sa chevalerie. Beaucoup en conçurent de l'envie, mais ils n'osèrent pas le manifester. Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un chevalier du Moyen-Âge à la cour des Plantagenêts, Guillaume le Maréchal par Jean Montalbetti. Médiateur Georges Duby, professeur d'histoire des sociétés médiévales au Collège de France, consultant Alain Erland Brandenburg, conservateur du musée de Cluny et également du musée de la Renaissance d'Écouen. Les textes extraits de l'histoire de Guillaume le Maréchal ont été dits par François Mestre. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti. Prise de son, Guy de la Ville-Marquet. Mixage, Robert Altabert. Réalisation, Christine Berlamont. Cette émission, le premier volet d'une série de deux, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 avril 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.